Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, ne t'occupe pas de ceux qui parlent contre toi, de ceux qui te diffament, qui te calomnient. Garde silence devant l'Éternel, lui-même va te justifier. Ne perds pas ton temps, c'est de la distraction. Garde silence et l'Éternel lui-même combattra pour toi. Réveille-toi, réveille ton voisin, réveille ta femme, réveille ton mari. C'est le temps de la prière, le temps des OSB, opération sur la brèche. Nous allons lire Juges chapitre 12, 1 à 14. Chaque matin je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Lisons le passage du jour, Juges 12, 1 à 14. Les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent, partirent pour le nord et dirent à Jephté : pourquoi es-tu allé combattre les filles d'Ammon sans nous avoir appelés à marcher avec toi ? Nous voulons incendier ta maison et te brûler avec elle. Jephté leur répondit : nous avons eu des grandes contestations, moi et mon peuple, avec les fils d'Ammon, et quand je vous ai appelés, vous ne m'avez pas délivré de leurs mains. Voyant que tu ne venais pas à mon secours, j'ai exposé ma vie et j'ai marché contre les fils d'Ammon. L'Éternel les a livrés entre mes mains. Pourquoi donc aujourd'hui montez-vous contre moi pour me faire la guerre ? Jephté rassembla tous les hommes de Galaad et livra bataille à Éphraïm. Les hommes de Galaad battirent Éphraïm parce que les Éphraïmites disaient : vous êtes des fugitifs d'Éphraïm. Galaad est au milieu d'Éphraïm, au milieu de Manassé. Galaad s'empara des gués du Jourdain du côté d'Éphraïm. Et quand l'un des fuyards d'Éphraïm disait : laisse-moi passer, les hommes de Galaad lui demandaient : es-tu Éphraïmite ? Il répondait : non. Il lui disait alors : eh bien, dis Shibolet. Et il disait « Sibolette », car il ne pouvait pas bien prononcer. Sur quoi les hommes de Galaad le saisirent et l'égorgeaient près des gués du Jourdain. Il périt en ce temps-là 42 000 hommes d'Éphraïm. Jephté fut juge en Israël pendant 6 ans. Puis Jephté, le Galaadite, mourut et fut enterré dans l'une des villes de Galaad. Après lui, Ibstan de Bethléem fut juge en Israël. Il eut 30 fils, il maria 30 filles au dehors, et il fit venir pour ses fils 30 filles du dehors. Il fut juge en Israël pendant 7 ans. Puis Ibstan mourut et fut enterré à Bethléem. Après lui, Élon de Zabulon fut juge en Israël. Il fut juge en Israël pendant 10 ans. Puis Élon de Zabulon mourut et fut enterré à Ajalon, dans le pays des Zabulon. Après lui, Abdon, fils d'Hillel, le Piratonite, fut juge en Israël. Il eut 40 fils et 30 petits-fils qui montaient sur 70 ans. Il fut juge en Israël pendant 8 ans. Puis Abdon, fils d'Hillel, le Piratonite, mourut et il fut enterré à Piraton, dans le pays d'Éphraïm, sur la montagne des Amalécites. Amen. Nous allons partager 3 vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. Évitons l'extrémisme dans nos attitudes, dans nos réactions. Et sachons que la violence entraîne souvent la violence. Nous voyons aujourd'hui, il y a des guerres civiles, comme la guerre qui a opposé les Éphraïmites à Jephté. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. Il est possible qu'aujourd'hui, dans une même église, les gens se combattent. Parfois, c'est pour des raisons tout simplement de jalousie, des raisons personnelles, des raisons d'orgueil. Faisons attention. Aujourd'hui, les filles d'un même pays, les filles d'une même région, peuvent se combattre. Aujourd'hui, nous déplorons que même parmi ceux qui s'appellent hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, se combattent parce qu'ils sont animés de mauvaises intentions, de jalousie. Faisons attention, les sceptres de la guerre, des conflits peuvent hanter aujourd'hui même les milliers chrétiens. Nous voyons ici ce qui s'est passé entre les Éphraïmites et Jephté. Le verset 1 dit, « Les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent, partirent pour le nord et dirent à Jephté, « Pourquoi es-tu allé combattre les filles d'Ammon sans nous avoir appelés à marcher avec toi ?» Réaction, « Nous voulons incendier ta maison et te brûler. » Réfléchissez un peu. Si quelqu'un ne t'a pas appelé ou ne t'a pas associé dans un projet ou dans une œuvre, ton frère, ta sœur en Christ, ton frère peut-être du même village, de la même ethnie. Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu dois dire « je vais te combattre maintenant » Vous voyez l'extrémisme. On dit « pourquoi Jephté ne les a pas associés ?» Jephté avait des raisons. Même si ton frère, tu as des reproches à faire à ton frère, à ta sœur. Mais fais attention, il ne faut pas que ta réaction te pousse à l'extrémisme au point où tu les considères comme un ennemi. Non. Il dit, nous voulons incendier ta maison. La violence appelle la violence. Quand nous avons des réactions d'extrémisme, ça peut engendrer aussi l'extrémisme. Nous voyons que c'est les Éphraïmites qui ont commencé la violence. Ils ont commencé les menaces. Et maintenant, cela a entraîné la guerre civile. Et regardez, c'est eux maintenant qui ont essuyé de grandes pertes. Parce que le texte dit, au verset 6, il périt en ces temps-là, 42 000 hommes d'Éphraïm. Deuxième vérité. Lorsque nous voulons résoudre un problème, un conflit, tout doit passer par les dialogues, mais un dialogue qui est sincère. Nous voyons ici, les Éphraïmites avaient des reproches à faire à Jephté. Mais Jephté ici, il cherchait à se défendre en dialoguant de manière sincère. Nous devons être sincères. Même lorsque tu as un problème, je vais parler à une femme, écoute-moi bien. Ces derniers temps, ça ne va pas avec ton mari. Il y a beaucoup d'incompréhension. Prenez un temps où tu vas lui parler de manière sincère. Lui dire ce qui est au fond de ton cœur. Il ne faut pas toujours garder silence, tu dissimules les choses dans ton cœur, ça fait des années, tu fais semblant. Lorsqu'on te demande, est-ce qu'il y a un problème, tu dis non, il n'y a rien. Et pourtant, il y a un mal qui te ronge. Regarde, tu commences même à souffrir des problèmes de gastrite, de beaucoup de sortes de maladies qui te rongent maintenant. Il faut avoir un temps de dire quand même ce qui ne va pas. Si l'autre a des reproches contre toi, ayez un temps pour dire voilà ce que tu me dis, mais voici les explications que j'ai à te donner. Ça, c'est ça l'esprit fraternel. Maintenant, si l'autre ne comprend toujours pas, toi, tu as fait ta part. Jephté, il a fait sa part. On lui a reproché de n'avoir pas associé les Éphraïmites quand il est parti combattre Ammon. Mais au verset 2, il dit, « Jephté leur répondit, nous avons eu de grandes contestations, moi et mon peuple, avec les fils d'Ammon. Et quand je vous ai appelé, vous ne m'avez pas délivré de leurs mains. Voyant que tu ne venais pas à mon secours, j'ai exposé ma vie et j'ai marché contre les fils d'Ammon. L'Éternel les a livrés entre mes mains. Pourquoi donc aujourd'hui montez-vous contre moi pour me faire la guerre ?» Donc, Jephté est un sincère, la sincérité. Souvent, les gens ne sont pas sincères, il y a l'hypocrisie. Vous avez quelque chose contre quelqu'un, vous avez des expressions à donner, et puis vous vous taisez, vous dissimulez. Jephté a dit la vérité. Il dit, quand nous avions des contestations, moi et mon peuple, je vous ai appelé. Vous n'étiez pas venu au secours, c'est ça. Souvent, les gens se plaignent. Quand quelqu'un t'a appelé, il t'a partagé quelque chose, tu n'as pas réagi. Et maintenant, quand la personne va chercher la solution ailleurs, il ne faut pas te plaindre pour dire non, pourquoi tu ne m'as pas dit, pourquoi tu ne m'as pas associé. C'est ça l'esprit de Jephté. Il dit que voilà, c'est une façon de dire qu'en réalité, vous n'avez pas raison. Je vous ai associé pour la première fois, je vous ai appelé, vous n'êtes pas venu. Maintenant que moi, je suis parti combattre les Ammonites et que Dieu les a livrés entre mes mains, vous venez me combattre. Évitons l'hypocrisie. Soyons sincères dans le partage, même lorsque nous voulons résoudre un conflit. Troisième vérité. Nous voyons ici la souveraineté de Dieu dans la dispensation de ses bénédictions. Et ceci, nous voyons au niveau des différents juges qui se sont succédés. Tout le monde n'avait pas la même longévité ou tout le monde n'avait pas le même nombre d'années de règne. C'est différent, même au niveau de la progéniture. Regardez par exemple, il est dit que Jephté a régné pendant 6 ans. le verset 7. Et il mourut. Et après lui, le verset 8 parle d'un certain Ibsan de Bethléem qui fut juge en Israël. Lui, il fut juge pendant 7 ans. Et on parle même des 30 fils qu'il maria, ces 30 filles qu'il maria, 30 filles au dehors. Après Ibsan, on parle de Elon de Zabulon, d'une autre tribu. Lui, il fut juge en Israël pendant 10 ans. Vous voyez, il a fait plus d'années que les autres. Et puis, il mourut. Et après lui, on parle de maintenant de Abdon, fils d'Hillel, le Piratonite, qui fut juge en Israël. Lui, il a régné pendant 8 ans. Et ce qui est particulier, c'est qu'il eut 40 fils et 30 petits-fils. Nous voyons donc, Dieu est souverain. Quand je comprends que Dieu est souverain, je ne dois pas envier ou jalouser quelqu'un d'autre. Si pour moi, par exemple, Dieu m'a donné, par exemple, une seule voiture et que quelqu'un en a 3, 4, il ne faut pas que je sois jalouse. Nous ne recevons pas la même chose. Si je suis serviteur de Dieu et que j'ai une petite église où il n'y a pas suffisamment de dîmes et des offrandes et que quelqu'un d'autre a une église de plus de 500 membres où il y a beaucoup de dîmes, beaucoup d'offrandes, il ne faut pas que je sois jaloux. Acceptons la souveraineté de Dieu. Nous ne recevons pas de la même manière ses grâces. Soyons satisfaits et disons-lui merci de ce qu'il nous donne. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer et le glorifier en chantant ces cantiques. Toutes les choses réaliser en ta lumière. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je gloire à Dieu, il est merveilleux, le Dieu souverain. Élevons nos voix, bénissons son saint nom. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission des prières OSB, acronyme qui veut dire Opération sous la brèche. Nous passons une demi-heure de prière sur la radio Fréquence Vie et cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Le passage du jour, c'est Juge 12, 1 à 14. Nous venons de voir ici que nous devons éviter l'extrémisme qui peut conduire à une guerre civile, qui peut conduire à des affrontements, même dans une même église, même parmi les frères d'une même famille. Nous voyons ici la réaction extrême des fils d'Éphraïm. Prions le Seigneur afin qu'il nous délivre de cet esprit de violence, d'extrémisme, de chercher à faire du mal, de brutalité, et que nous puissions vivre dans la paix, dans l'harmonie. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous te rendons grâce ce matin, nous bénissons ton Saint-Nom, nous glorifions ton Saint-Nom. Lorsqu'on tourne vers toi les regards, ô Père éternel, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. C'est avec joie que nous invoquons ton Saint-Nom ce matin, pour te dire merci pour tout ce que tu fais dans notre vie chaque jour. Pour te dire merci parce que c'est toi qui nous as réveillés ce matin. Nous prions, ô Père, dans le nom de Jésus-Christ. Et nous te présentons nos communautés, les différents responsables, les différents leaders de nos communautés, les diacres, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les membres du conseil. Nous demandons, Père éternel, que tu accordes la sagesse à ces différents leaders de nos communautés afin qu'il y ait de l'harmonie dans tout ce que nous entreprenons. Nous prions et nous prenons autorité contre toute forme de brutalité, tout esprit de colère, tout esprit de division, tout esprit de sabotage. Nous déclarons au Père éternel que ta grâce et ta faveur gouvernent les cœurs des fils et des filles que tu as appelés pour présider aux destinées de ta communauté. Nous prions au Père dans le nom de Jésus-Christ. Nous demandons que la paix règne dans le cœur, que l'harmonie règne dans le cœur, afin que nous puissions tous contribuer à l'avancement de ton œuvre. Accorde la sagesse à tes enfants, accorde la grâce à tes enfants, afin que toutes leurs activités, tous leurs gestes puissent toujours concourir à la paix, à l'harmonie au sein de nos différentes communautés. Merci Père éternel pour la paix que tu sèmes en notre sein. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir ici que nous devons être sincères, surtout lorsqu'il y a un différend. Apprenons à partager avec notre frère. Apprenons à partager avec notre époux, notre épouse, ce qui ne va pas, en lui disant sincèrement ce qui ne va pas. Nous devons donc apprendre à dialoguer. Prions donc pour que Dieu nous délivre de l'esprit d'hypocrisie et que nous apprenions à être sincères dans nos relations pour nous expliquer, pour dialoguer, dans le but de trouver un compromis. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sois béni ce matin, parce qu'à travers ta parole, tu nous enseignes, tu nous instruis, tu nous éduques, tu nous mets sur la bonne voie. Elle est une lumière sur notre chemin, une lampe sur nos pieds. Sois béni, parce que Jésus, tu nous dis également dans les évangiles, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre et me demandent une chose quelconque, notre Dieu, sans accord, sans entente, sans communication, communion, oui Seigneur, avec beaucoup d'hypocrisie. Sur les lèvres, on dit des choses et le cœur est fermé. Il n'y aura jamais de bénédiction. Nous voulons te supplier, afin que dans les couples, que la franchise soit de mise, la vérité, la sincérité. Nous prions Seigneur. Si t'as plu de mettre tes enfants ensemble, puisque tu as dit n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide semblable. Seigneur, la communion, le pardon doit accompagner tes enfants, quelle que soit la faute commise, quelle que soit ce qui a été dit, mais il faut qu'on soit franc, qu'on dise la vérité dans l'amour. Sois béni parce que tu touches les cœurs maintenant. Sois béni parce que tu brises, ô Dieu, les murailles qui sont établies entre tes enfants. Tu brises maintenant, notre Dieu, le mythisme qui est établi entre tes enfants. Sois béni parce que chacun est touché ce matin. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous venons de voir la souveraineté de Dieu. Il ne nous bénit pas de la même manière. Je dois accepter ce que Dieu me donne. Si j'ai moins que l'autre, que je sois satisfait, que je lui dise merci. Les juges en Israël n'ont pas régné de la même manière. Il y a ceux qui ont fait 7 ans, d'autres 6, d'autres 10. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous aide à accepter sa souveraineté et accepter chacun sa place et ce que Dieu nous donne et à éviter l'esprit de rivalité, l'esprit de jalousie. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. Béni sois-tu, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, le véritable, l'incomparable, le Dieu qui était et qui vient. La Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descende d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni de changement, ni ombre de variation. » Seigneur, merci parce que chacun reçoit sa grâce selon le service qu'il te rend. Chacun reçoit sa grâce selon ta volonté, selon ta préscience, selon que toi-même tu as décidé de le faire. C'est pour cela que nous devrons, chacun de nous, non pas, oui, nous contenter, oui, de voir ce que l'autre a, mais de savoir apprécier ce qui est dans notre main et te dire merci afin que tu nous ajoutes encore davantage. Béni sois-tu pour ces grâces que tu nous donnes à chacun de nous. Pour certains en ce moment précis, c'est la guérison qu'ils ont besoin. Merci d'apporter cette guérison. Merci de donner cette santé divine. Merci de visiter cette personne afin que ces démons qui sont à la source de cette maladie capitulent et que ces frères, cette sœur soient délivrés au nom de Jésus. Certaines personnes dans le couple, en attendant l'enfantement, en attendant, Seigneur, la procréation, merci de les visiter, car tu es le Dieu qui dit et la chose arrive. Certaines personnes attendent un miracle financier. Merci d'apporter ce miracle financier dans leur carrière, dans leurs projets, dans leurs activités. Béni sois-tu pour toutes les requêtes de tes enfants que tu exauces maintenant, car tu as dit invoque-moi et je te répondrai. Merci et merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons que c'est aujourd'hui samedi à 15h que les femmes sources d'eau vive convient toutes les femmes à la grande rencontre pour célébrer les mamans. C'est au CEPE dans la salle climatisée à partir de 15h. Venez célébrer nos mamans. T'aimes, honore ta mère. Les papas aussi peuvent venir pour honorer leurs épouses. Les enfants peuvent venir honorer leurs mamans. Ce sera une fête de louange et d'enseignement. L'entrée est libre. À ce soir, à partir de 15h. C'était OSB. Au revoir et à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.